Toujours à la même occasion, le comité préparatoire du Congo démocratique pour célébrer les journées du soleil et de la brillante étoile a publié un bulletin. Il présente les exploits immortels du général Kim Jong-il qui a consacré tout pour continuer et achever l'œuvre révolutionnaire Tchouché et réaliser la prospérité de la Corée socialiste, la réunification du pays et la cause d'émancipation de l'humanité.